بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre et établi la noirceur et la lumière. Pourtant, ceux qui ne croient pas attribuent des rivaux à leur Seigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile et qui a décrété un terme pour vous. Il y a un autre terme fixé auprès de lui. Pourtant, vous doutez encore. Il est Dieu, dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez. Et il sait ce que vous récoltez par vos actions. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Chaque fois qu'un des signes de leur Seigneur leur parvient, ils s'en détournent. Et ils refusent de croire à la vérité lorsqu'elle se manifeste à eux. Mais ils vont bientôt avoir des nouvelles de ce qu'ils tournent en dérision. أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Ne voit-il pas combien de générations nous avons détruites avant eux? Nous les avions établies sur terre bien plus fermement que nous vous y avons établies. Nous leur avions envoyé du ciel de la pluie en abondance et nous avions fait couler des rivières à leurs pieds. Et pourtant, nous les avons détruites à cause de leurs péchés et nous avons créé après elles une nouvelle génération. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. Même si nous avions fait descendre sur toi, ô Mohammed, un véritable manuscrit sur parchemin, qu'ils auraient pu toucher de leurs propres mains. Ceux qui ne croient pas auraient dit, cela n'est que de la magie évidente. Ils disent, pourquoi ne lui a-t-on pas fait descendre un ange? Si nous avions fait descendre un ange, alors toute l'affaire aurait été jugée, et on ne leur aurait point donné de délai supplémentaire. Si nous avions désigné un ange comme messager, nous aurions certainement fait en sorte qu'il ait l'apparence d'un homme, afin qu'il puisse s'adresser aux hommes. Et nous aurions provoqué chez eux la même confusion que celle dans laquelle ils se trouvent. <t'en> فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ On s'est moqué des messagers avant toi, mais les railleurs ont été cernés par leur propre raillerie. 11. Dis, parcourez la terre et regardez ce qui est advenu de ceux qui rejetaient la vérité. Dis, à qui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre? Dis, à Dieu. Il s'est prescrit à lui-même la miséricorde et il vous rassemblera tous au jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quant à ceux qui détruisent leur âme, ils ne croiront pas. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. À lui appartient tout ce qui réside dans la nuit et le jour. Il est audient et omniscient. Dis, devrais-je prendre pour protecteur un autre que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui nourrit, mais que personne ne nourrit? Dis, on me commande d'être le premier à me soumettre. Et ne sois jamais, ô Mohammed, du nombre des polythéistes. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ دي. Je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. En ce jour, quiconque est épargné, c'est qu'en vérité, Dieu lui a fait miséricorde. Voilà le succès éclatant. Si Dieu fait qu'un malheur te touche, nul autre que lui ne peut l'éloigner. Et s'il fait qu'un bonheur te touche, c'est qu'il est omnipotent. C'est lui le dominateur suprême sur ses serviteurs. Il est le sage, le parfaitement connaisseur. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون دي Qu'est-ce qui a le plus de poids comme témoignage? Dis, Dieu est témoin entre vous et moi, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par lui, vous et tous ceux qu'il atteindra. Témoignez-vous réellement qu'il existe d'autres divinités en dehors de Dieu? Dis, je ne peux faire un tel témoignage. Dis, il n'y a qu'un Dieu unique, et je désavoue ce que vous lui associez. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent Mohammed comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Quant à ceux qui détruisent leur âme, ils ne croiront pas. Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu et rejette ses signes. Certes, les injustes ne réussiront pas. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون Le jour où nous les rassemblerons tous, nous dirons à ceux qui attribuaient des associés à Dieu : Où sont donc ces associés que vous inventiez ? Alors, dans leur épreuve, ils ne sauront que dire : Par Dieu notre Seigneur, nous n'avons jamais été polythéistes. Vois comme ils mentent à leur propre sujet, et que voilà loin d'eux l'objet de leur fabulation. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون Il y en a parmi eux qui viennent t'écouter, mais nous avons enveloppé leur cœur de plusieurs voiles. C'est pourquoi ils ne comprennent rien. Et nous avons frappé leurs oreilles de surdité. Même s'ils voyaient toutes les preuves, ils n'y croiraient pas. Quand ils viennent vers toi, dans l'unique but de semer la controverse, les mécréants disent « Ce ne sont là que des légendes d'anciens ». Ils empêchent les gens de suivre Mohammed et l'évitent eux-mêmes. Ils se détruisent eux-mêmes, mais ne s'en rendent pas compte. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ Si tu pouvais les voir lorsqu'ils seront placés devant le feu, ils diront alors « Hélas !» Si nous pouvions être renvoyés sur la terre, alors nous ne rejetterions pas les signes de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Mais non, voilà que leur apparaît clairement ce qu'auparavant ils dissimulaient. et si on les renvoyait sur terre, ils retourneraient certainement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que notre vie d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Si tu pouvais les voir quand ils comparaîtront devant leur Seigneur, il leur dira : cela n'est-il pas bien réel ? Ils diront : mais si, par notre Seigneur. Il leur dira : goûtez alors au châtiment pour ne pas avoir voulu croire. Ils sont certes perdants, ceux qui nient leur rencontre avec Dieu. Puis, quand l'heure arrive soudainement, ils crient « Malheur à nous pour avoir négligé de nous préparer !» Ils portent leur fardeau sur leur dos, et quel mauvais fardeau ! La vie présente n'est que jeu et amusement. La demeure de l'au-delà est bien meilleure pour ceux qui se dévouent à Dieu. Ne comprenez-vous pas ? قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Nous savons que ce qu'ils disent te chagrine. En vérité, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, mais ce sont les signes de Dieu que les injustes renient. D'autres messagers ont été rejetés avant toi, et ils ont été patients face à ce rejet et aux persécutions jusqu'à ce que notre secours leur vienne. Nul ne peut changer les décisions de Dieu. Et une partie de l'histoire des messagers t'est déjà parvenue. Si le fait qu'ils te rejettent te chagrine, alors si tu le peux, cherche un tunnel pour descendre dans la terre ou une échelle pour aller au ciel et leur rapporter un signe. Si Dieu avait voulu, il aurait pu les guider tous sur le droit chemin. Ne sois donc pas du nombre des ignorants. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Seuls ceux qui entendent peuvent accepter la vérité. Quant aux morts, Dieu les ressuscitera et ils seront tous ramenés à lui. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Ils disent: Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe manifeste de la part de son Seigneur? Dit: Certes, Dieu est capable de faire descendre un signe manifeste, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Nulle créature marchant sur la terre ou volant de ses ailes, qui ne vivent comme vous en communauté, nous n'avons rien négligé dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront rassemblés. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Ceux qui rejettent nos signes sont sourds, muets et sont dans les ténèbres. Dieu égare qui il veut et il place qui il veut sur un droit chemin. Dit : Dites-moi si le châtiment de Dieu vous vient ou que vous vient l'heure. Tandis que vous invoquez d'autres divinités en dehors de Dieu, ferez-vous appel à quiconque autre que Dieu? Répondez à cela, si vous êtes véridique. Non, c'est plutôt à lui que vous ferez appel. Il dissipera, s'il le veut, la raison pour laquelle vous faites appel à lui, et vous oublierez les associés que vous aviez l'habitude de lui attribuer. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاء ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Nous avons envoyé des messagers à des communautés avant toi et nous les avons frappés d'infortune et de détresse. Peut-être auraient-ils humblement supplié. Si seulement, atteintes par notre châtiment, elles s'étaient soumises avec humilité, mais leur cœur s'était endurci, et Satan maquillait leurs mauvaises actions. Puis, lorsqu'ils oublièrent ce que nous leur avions rappelé, nous leur ouvrîmes les portes, donnant accès à toutes choses. Puis, pendant qu'ils se réjouissaient de ce qui leur avait été donné, nous les saisîmes soudainement et ils demeurèrent stupéfaits. Ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes. Et louange à Dieu, Seigneur des mondes. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ Dis, voyez-vous, si Dieu vous enlevait l'ouïe et la vue, et scellait votre cœur, quelle autre divinité que Dieu vous les rendrait? Vois comme nous leur exposons les signes, pourtant ils s'en détournent. Dis, considérez ceci. Si le châtiment de Dieu vous venait à l'improviste, ou manifestement, qui serait détruit sinon les injustes ? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et pour avertir. Ceux qui croient et s'amendent n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Quant à ceux qui rejettent nos signes, un tourment les affligera en prix de ce qu'ils étaient pervers. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors de Dieu, ni que j'ai connaissance de l'invisible. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Dis, l'aveugle et celui qui voit sont-ils pareils? Ne réfléchissez-vous donc pas? وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين Par ceci, le Coran avertit ceux qui craignent d'être rassemblés devant leur Seigneur, qu'ils n'auront ni protecteur, ni intercesseur en dehors de lui. Peut-être deviendront-ils pieux. Ne repousse pas ceux qui, matin et soir, invoquent leur Seigneur, cherchant sa face. Tu n'es nullement responsable d'eux, pas plus qu'ils ne sont responsables de toi. En les repoussant, tu serais du nombre des injustes. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Ainsi éprouvons-nous certaines personnes par d'autres, pour qu'ils disent : Est-ce cela que Dieu a favorisé parmi nous ? N'est-ce pas Dieu qui sait le mieux lesquels sont reconnaissants ? Lorsque viennent vers toi ceux qui croient en nos signes, dis-leur : Que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Quiconque d'entre vous fait un mal par ignorance, se repent par la suite et s'amende, alors Dieu est pardonneur et miséricordieux. C'est ainsi que nous exposons les signes, afin que se manifeste clairement la voie des criminels. قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين دي Il m'est interdit d'adorer ceux que vous invoquez en dehors de Dieu. Dis, je ne suivrai pas vos vaines passions, car alors je m'égarerai et je ne serai plus parmi les bien guidés. Dis, je m'appuie sur une preuve évidente de la part de mon Seigneur, tandis que vous le rejetez. Ce que vous voulez hâter n'est pas en mon pouvoir. La décision n'appartient qu'à Dieu. Il dit la vérité et il est le meilleur des décideurs. Dis, si ce que vous voulez hâter était en mon pouvoir, L'affaire serait immédiatement réglée entre vous et moi. C'est Dieu qui connaît le mieux les injustes. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Nul autre que lui ne les connaît. Il connaît ce qui est sur la terre et dans la mer. Pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache. Pas une graine dans les ténèbres de la terre. Rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. C'est lui qui prend vos âmes la nuit. Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis, il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme qui a été fixé. C'est vers lui que vous retournerez. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. Il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Il vous envoie des gardiens, et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers et les anges prennent son âme sans aucune négligence. Ils sont ensuite ramenés vers Dieu, leur Seigneur, le Juste. C'est à lui qu'appartient le jugement, et il est le plus prompt à régler les comptes. ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer? Vous l'invoquez humblement et en secret, en disant, si nous sommes délivrés de cette peur, nous serons vraiment du nombre des reconnaissants. Dis, c'est Dieu qui vous en délivre, ainsi que de toute affliction. Pourtant, vous lui attribuez des associés. Dis, il est capable de vous envoyer un châtiment venant d'au-dessus de vous ou dessous vos pieds, ou de vous jeter dans la confusion en vous divisant en sectes. Il vous fait goûter à la tyrannie des uns envers les autres. Vois comme nous exposons nos signes, peut-être comprendront-ils. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. Ton peuple, ô Mohammed, rejette cela, bien qu'il s'agisse de la vérité. Dis, je ne suis pas responsable de vous. Chaque annonce arrive en son temps et en son lieu, et bientôt vous le saurez. Quand tu envoies, certains qui se perdent dans de vaines discussions au sujet de nos signes, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si Satan te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas assis en compagnie des injustes. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Ceux qui craignent Dieu n'ont pas de compte à rendre au sujet de ces gens-là, mais leur devoir est de les rappeler à l'ordre. Peut-être deviendront-ils pieux. Délaissent donc ceux qui prennent leur religion comme jeu et amusement et qui sont leurrés par la vie sur terre. Par ceci, le Coran fait un rappel aux gens afin qu'une âme ne s'expose pas à sa perte à cause de ce qu'elle aura commis. Elle n'aura, en dehors de Dieu, ni protecteur ni intercesseur. Quelle que soit la compensation qu'elle offrira, elle ne sera pas acceptée. Voilà ceux qui ont assuré leur perte par leurs propres actions. Ils auront de l'eau bouillante comme breuvage et recevront un douloureux châtiment pour avoir refusé de croire. دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. Devrions-nous invoquer, au lieu de Dieu, ce qui ne peut ni nous profiter, ni nous nuire? Et ferons-nous demi-tour après que Dieu nous ait guidés, comme celui que les diables ont égaré, qui erre, perplexe sur la terre? Ses compagnons l'invitent à suivre le droit chemin, en lui disant « Viens avec nous !» Dit « Le vrai chemin est le chemin de Dieu. Il nous a été ordonné de nous soumettre au Seigneur des mondes. » وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. D'accomplir assidûment la prière et de le craindre, et c'est vers lui que vous serez tous rassemblés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité, et le jour où il dit « Sois !» cela se réalise immédiatement. Sa parole est la vérité. À lui seul le pouvoir suprême, le jour où l'on soufflera dans le corps. C'est lui qui connaît ce qui est invisible et ce qui est manifeste. Il est le sage, le parfaitement connaisseur. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Rappelle-toi lorsqu'Abraham dit à Hazar, son père, prends-tu des idoles pour divinité? Certes, je vous vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit de ceux qui croient avec conviction. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit: voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle déclina, il dit: je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il vit la lune poindre à l'horizon, il dit: voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit: à moins que mon Seigneur ne me guide, je serai certes du nombre des égarés. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Lorsqu'ensuite il vit le soleil se lever, il dit: voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis, lorsque le soleil se coucha, il dit: ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. En tant que croyant véritable, je tourne mon visage vers celui qui a créé les cieux et la terre à partir de rien, et je ne suis point du nombre des polythéistes. قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Son peuple argumenta contre lui. Il dit: argumentez-vous contre moi au sujet de Dieu alors qu'il m'a guidé? Je ne crains nullement les associés que vous lui attribuez, sauf par le vouloir de mon Seigneur, rien ne peut arriver. Le savoir de mon Seigneur englobe toutes choses, ne vous rappellerez-vous donc pas? Comment craindrais-je les associés que vous lui donnez alors que vous ne craignez pas de lui associer ceux au sujet de quoi il ne vous a révélé aucune preuve? Laquelle des deux factions a le plus droit à la sécurité? Répondez-moi si vous le savez. Ce sont ceux qui croient et ne confondent pas leur foi avec l'injustice qui ont la sécurité. Ils sont bien guidés. إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Tel est notre argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons au degré qui nous voulons. Certes, ton Seigneur est sage et omniscient. Nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Nous avions guidé Noé auparavant, et de sa descendance, nous avons guidé David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants, et Zacharie, Jean, Jésus et Élie. Chacun était du nombre des vertueux. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, nous avons favorisé chacun d'eux sur nos autres créatures, de même qu'une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers le droit chemin. C'est vers cela que Dieu guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient attribué à Dieu des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait aurait certainement été vain. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. C'est à eux que nous avons donné le livre, l'autorité et la prophétie. Si leurs descendants n'y croient pas, au moins, avons-nous confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Voilà ceux que Dieu a guidés. Suis donc leur voie. Dis aux gens, je ne vous demande pas de salaire pour cela. Certes, il ne s'agit que d'un rappel à l'intention de toutes les créatures. الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Ils n'apprécient pas le pouvoir de Dieu à sa juste mesure lorsqu'ils disent « Dieu n'a rien révélé à un être humain ». Dit qui a révélé le livre que Moïse a reçu comme lumière et guide pour les gens. Vous l'avez mis en feuillet pour pouvoir en montrer une partie tout en cachant la majorité. Par ce livre, on vous a enseigné ce que vous ne saviez pas, ni vous, ni vos ancêtres. Dis, c'est Dieu qui l'a révélé, puis laisse-les se perdre dans leurs vains discours. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Voici un livre béni que nous avons révélé, confirmant ce qui a été révélé avant lui, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et les gens tout autour. Ceux qui croient en l'au-delà y croient au livre, et ils demeurent assidus dans leurs prières. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Dieu ou qui dit « J'ai reçu une révélation » alors que rien ne lui a été révélé. De même, celui qui dit « Je vais révéler quelque chose de semblable à ce que Dieu a révélé. » Si tu voyais les injustes quand ils seront dans les affres de la mort et que les anges tendront leurs mains en disant « Laissez sortir votre âme. Aujourd'hui, vous serez rétribués par le châtiment de l'humiliation pour avoir dit au sujet de Dieu autre chose que la vérité et pour vous être détournés de ces signes enflés d'orgueil. » وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Vous voici venus à nous, seuls comme vous l'étiez, lorsque nous vous avons créés au départ, et laissant derrière vous tout ce que nous vous avons accordé. Nous ne voyons pas, avec vous, ces intercesseurs que vous prétendiez être vos associés. Le lien entre vous s'est maintenant rompu, et ceux que vous prétendiez être vos associés se sont égarés loin de vous. Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy dhalikumullah fa anna tufakun. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Certes, c'est Dieu qui fait fondre la graine et le noyau de date pour qu'il germe. Du mort, il fait sortir le vivant et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Dieu. Comment se fait-il donc que vous vous détourniez? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos, et le soleil et la lune pour calculer le temps. Tel est l'ordre conçu par le Puissant, l'Omniscient. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. C'est lui qui a disposé pour vous les étoiles, pour que par elles vous vous guidiez dans les ténèbres, sur la terre et sur la mer. Nous avons exposé nos signes pour ceux qui savent. C'est lui qui vous a créé à partir d'un seul individu et qui vous a donné un gîte et un lieu de dépôt. Nous avons exposé nos signes pour ceux qui comprennent. أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. C'est lui qui du ciel fait descendre l'eau avec laquelle nous faisons naître des bourgeons de toutes sortes. Et nous faisons naître des pousses vertes, desquelles sortent des grains superposés, les uns au-dessus des autres. Du palmier, de sa spathe, jaillissent des régimes de dattes suspendues, et des vignobles, des oliveraies et des jardins de grenadiers, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et à leur stade de mûrissement. Certes, voilà bien des signes pour ceux qui ont la foi. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Pourtant, ils font des djinns les associés de Dieu, alors que c'est lui qui les a créés. Dans leur ignorance, ils lui attribuent faussement des fils et des filles. Gloire à lui, il transcende tout ce qu'il lui attribue. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? C'est lui qui a tout créé et il est omniscient. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Voilà Dieu, votre Seigneur, nul Dieu autre que lui, le Créateur de toutes choses. Adorez-le donc, c'est lui qui est la charge de tout. Aucun regard ne peut l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Il est le bienveillant, le parfaitement connaisseur. Certes, des éclairs de lucidité vous sont parvenus de la part de votre Seigneur. Quiconque est clairvoyant, c'est en sa faveur. Et quiconque demeure aveugle, c'est à son propre détriment. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous exposons clairement nos signes, afin qu'ils te disent, ô Mohammed, tu as étudié, et que nous rendions les choses limpides pour les gens qui savent. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur, nul Dieu autre que lui, et détourne-toi des polythéistes. Si Dieu l'avait voulu, ils n'auraient pas été polythéistes. Nous ne t'avons pas désigné comme gardien pour eux, et tu n'es point responsable d'eux. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu, de crainte que par rancune, ils n'injurient Dieu dans leur ignorance. Nous avons obéi aux yeux de chaque communauté ses propres actions. Ensuite, c'est vers leur Seigneur qu'elles seront ramenées. Il les informera alors de ce qu'elles faisaient. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Ils jurent par Dieu de façon solennelle que s'il leur venait un signe, ils y croiraient. Dis, les signes ne dépendent que de Dieu. Qu'est-ce qui vous fait penser que quand le signe arrivera, vous y croirez? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, et nous les laisserons errer aveuglément dans leur rébellion. أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Même si nous faisions descendre les anges vers eux, si les morts leur parlaient, Et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Dieu le voulait. Cependant, la plupart d'entre eux sont ignorants. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des discours enjolivés. Si ton Seigneur voulait, il ne ferait pas cela. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Que le cœur de ceux qui ne croient guère en l'au-delà penche vers ces paroles, qu'ils y prennent plaisir et qu'ils commettent ce qu'il a à commettre de mauvais. Dis, devrais-je chercher un autre juge que Dieu, alors que c'est lui qui vous a révélé ce livre exposé en détail? Ceux à qui nous avons donné le livre dans le passé savent que ce livre-ci est révélé par ton Seigneur en toute vérité. Alors, ne sois pas du nombre de ceux qui doutent. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. La parole de ton Seigneur s'accomplit en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles, il est l'audiant, l'omniscient. Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier de Dieu. Ils ne font que suivre des conjectures et forger des mensonges. Certes, ton Seigneur sait mieux qui sont ceux qui s'égarent de son sentier, et il sait mieux ceux qui sont bien guidés. ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. De ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé, si vous avez foi en ces signes. Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom de Dieu a été prononcé, alors qu'il vous a expliqué, en détail, ce qui vous était interdit, à moins que vous ne soyez contraint d'y avoir recours. Certes, beaucoup de gens, par ignorance, se laissent égarer par leurs propres passions. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui transgressent. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Évitez tous les péchés, qu'ils soient flagrants ou secrets. Certes, ceux qui se chargent de péchés seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Ne mangez pas de ce sur quoi le nom de Dieu n'a pas été prononcé, car c'est certes une abomination. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez sûrement polythéistes. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons donné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est-il semblable à celui qui est dans les ténèbres, desquelles il ne pourra jamais émerger? Ainsi, les œuvres des négateurs ont-elles été parées de fausses apparences? وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد Ainsi, avons-nous établi dans chaque cité de grands criminels qui ourdissent des complots, mais ils ne complotent que contre eux-mêmes, bien qu'ils n'en soient pas conscients. Lorsqu'un signe leur vient, ils disent « Nous ne croirons pas tant que nous n'aurons pas reçu ce que reçoivent les messagers de Dieu. » Dieu est plus à même de savoir à qui confier son message. Une humiliation, ainsi qu'un lourd châtiment de la part de Dieu, frapperont les coupables pour les complots qu'ils tramaient. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Celui que Dieu veut guider, il fait que son cœur s'ouvre à l'islam. Et celui qu'il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et comprimée comme s'il montait au ciel. Ainsi, Dieu inflige-t-il l'humiliation à ceux qui ne croient pas? Telle est la voix de ton Seigneur dans toute sa rectitude. Nous avons effectivement bien détaillé nos signes aux gens qui se rappellent. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي عجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا A eux la demeure paisible auprès de leur Seigneur. C'est lui leur protecteur à cause de ce qu'ils avaient l'habitude de faire sur terre. Le jour où il les rassemblera tous ensemble, il dira « Ô communauté des djinns, vous avez séduit une grande partie de l'humanité et leurs alliés parmi les humains diront « Notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, mais nous avons maintenant atteint le terme que tu avais fixé pour nous. » Il leur dira, « Le feu est votre demeure, vous y demeurerez éternellement, sauf si Dieu en décide autrement. Certes, ton Seigneur est sage et omniscient. Ainsi, accordons-nous à certains injustes un pouvoir sur d'autres, à cause de ce qu'ils acquièrent. » ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu de messagers, issus d'entre vous, qui vous ont relaté mes signes et vous ont averti de la rencontre de ce jour ? Ils diront, nous témoignons contre nous-mêmes, la vie de ce monde les a trompés, et ils témoignent contre eux-mêmes qu'ils étaient mécréants. Des messagers ont été envoyés, car ton Seigneur ne détruit pas injustement des cités, alors que leurs habitants n'ont pas conscience du mal qu'ils font. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. À chacun un rang selon ses œuvres. Ton Seigneur n'est point inattentif à ce qu'ils font. Ton Seigneur est celui qui se suffit à lui-même, le détenteur de la miséricorde. S'il voulait, il vous ferait périr et vous remplacerait par qui il veut, de la même façon qu'il vous a créé à partir de la progéniture d'un autre peuple. Certes, ce qui vous a été promis arrivera, et vous ne pourrez guère y échapper. Dis, ô mon peuple, continuez à agir à votre niveau, j'agirai également de mon côté. Vous saurez bientôt qui aura le meilleur sort dans l'au-delà. Certes, les injustes ne réussiront jamais. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Des récoltes et bestiaux que Dieu a créés, ils lui assignent une part et disent « Ceci est à Dieu, du moins prétendent-ils, et ceci à nos divinités. Mais la part qui est pour leur divinité ne parviendra jamais à Dieu, tandis que la part qui est pour Dieu parvient à leur divinité, comme leur jugement est mauvais. » من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. C'est ainsi que les associés qu'ils attribuent à Dieu ont fait paraître séduisant à de nombreux polythéistes le fait de tuer leurs enfants afin de les mener à leur propre destruction et de leur rendre confuse leur religion. Alors laisse-les donc avec ce qu'ils forgent comme mensonge. نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ils disent: voici des bestiaux et des récoltes frappées d'interdiction. Nul n'en mangera, sauf ceux que nous autoriserons. C'est du moins ce qu'ils prétendent. Et voilà des bêtes dont le dos est interdit, et des bêtes sur lesquelles ils ne mentionnent pas le nom de Dieu. Ce ne sont là que des mensonges qu'ils inventent à son sujet, et il les rétribuera pour ce qu'ils inventaient. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Ils disent: ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d'entre nous et interdit à nos femmes. Mais s'il s'agit d'un mort-né, tout le monde peut en bénéficier. Bientôt, il les rétribuera pour lui avoir attribué ses superstitions. Certes, il est sage et omniscient. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Ils ont certes perdu ceux qui ont par sottise et ignorance tué leurs enfants, tout comme ceux qui ont interdit la nourriture que Dieu leur a attribuée, inventant de ce fait des mensonges contre lui. Ils se sont vraiment égarés et ne sont point guidés. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. C'est lui qui crée les jardins, treillagés ou non treillagés, les palmiers et les récoltes, de diverses saveurs de même que l'olive et la grenade, d'espèces semblables et différentes. Mangez de leurs fruits quand ils en produisent, acquittez-en les droits le jour de la récolte, et ne gaspillez point, car Dieu n'aime pas les gaspilleurs. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Parmi les bestiaux, il en a créé certains pour le transport et d'autres pour vous nourrir. Mangez de ce que Dieu vous a attribué et ne suivez pas les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. 8 couples en particulier, 2 pour les ovins, 2 pour les caprins, dit. Est-ce les deux mâles qu'il a interdits selon vous, ou les deux femelles? Ou encore, ce que les deux femelles portent dans leur ventre? Exposez-moi donc votre savoir, si vous dites vrai. ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Deux pour les camélidés, deux pour les bovins. Dit, est-ce les deux mâles qu'il a interdits, ou les deux femelles? Ou encore, ce que les deux femelles portent dans leur ventre? Étiez-vous témoin quand Dieu vous enjoignit tout cela? Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge? Et qui, sans se baser sur aucun savoir, l'attribue à Dieu pour égarer les gens? Certes, Dieu ne guide pas les injustes. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطَعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Dis, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve aucune viande qui soit interdite à celui qui souhaite en manger, à part les charognes, le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc, car c'est vraiment une souillure, ou ce qui, par transgression, a été sacrifié au nom d'un autre que Dieu. Mais quiconque est contraint par la faim, sans toutefois abuser ni transgresser, pour lui, ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. Aux Juifs, nous avons interdit toute bête possédant un ongle unique. Et des bovins et ovins, nous leur avons interdit la graisse, sauf celle qui adhère à leur dos ou à leurs entrailles, ou encore celle qui est mêlée à leurs os. Ainsi les avons-nous rétribués pour leur rébellion, et nous sommes certes véridiques. Et s'ils t'accusent de mentir, ô Mohammed, dis, votre Seigneur est le Seigneur de l'immense miséricorde, mais sa rigueur ne sera jamais détournée des coupables. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Ceux qui attribuent des associés à Dieu diront « Si Dieu avait voulu, nous ne lui aurions pas attribué d'associés, pas plus que ne l'auraient fait nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit. » Ainsi, leurs prédécesseurs accusaient-ils, les messagers de Dieu, de mentir jusqu'au jour où ils goûtèrent à notre rigueur. Dis, avez-vous quelque savoir à nous apporter en guise de preuve? Certes, vous ne faites que suivre des conjectures et mentir. Dis, l'argument décisif appartient à Dieu. S'il avait voulu, il vous aurait certainement tous guidés. قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. Dis, amenez vos témoins qui peuvent attester que Dieu interdit tout cela. Et s'ils témoignent, ne témoigne pas avec eux, ne suis pas les vaines passions de ceux qui rejettent nos signes, qui ne croient pas en l'au-delà et qui attribuent des égaux à leur Seigneur. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui attribuez aucun associé. Soyez bons envers vos parents et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté. Nous pourvoyons à vos besoins comme aux leurs. Ne vous approchez pas des choses indécentes, que ce soit ouvertement ou en cachette. Et ne tuez pas la vie que Dieu a faite sacrée, sauf en toute justice. Voilà ce que Dieu vous recommande. Peut-être comprendrez-vous. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Ne vous approchez pas des biens de l'orphelin que de la meilleure manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité. Donnez le bon poids et la bonne mesure en toute justice. Nous n'imposons à aucune âme une charge au-delà de sa capacité. Si vous donnez votre parole, soyez équitable, même si cela va à l'encontre de l'intérêt d'un proche parent. Et respectez votre engagement envers Dieu. Voilà ce qu'il vous recommande. Peut-être vous rappellerez-vous. إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les autres sentiers, de crainte qu'ils ne vous écartent du droit chemin. Voilà ce qu'il vous enjoint, afin que vous deveniez pieux. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Nous avons donné le livre à Moïse, afin de parfaire notre faveur sur ceux qui font le bien, et comme un exposé détaillé de toutes choses, un guide et une miséricorde. Peut-être croiront-ils ainsi à la rencontre avec leur Seigneur, au jour dernier. Voici un livre béni, le Coran, que nous avons révélé. Suivez-le donc et craignez Dieu. Peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Afin que vous ne disiez point, le livre n'a été révélé qu'à deux groupes de gens avant nous, et nous ignorions sincèrement ce qu'ils lisaient. Ou que vous disiez, si le livre nous avait été révélé à nous, nous aurions certainement été mieux guidés qu'eux. Voilà que vous est venue une preuve claire de votre Seigneur, un guide et une miséricorde. Qui est plus injuste que celui qui rejette les signes de Dieu et qui s'en détourne? Nous rétribuerons ceux qui se détournent de nos signes par un terrible châtiment pour s'en être détournés. تأتيهم الملائكة الْآيَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Qu'attendent-ils ? Que les anges viennent à eux ? Que vienne ton Seigneur ? Ou que viennent certains signes de ton Seigneur ? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru jusque-là, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance, en faisant de bonnes actions. Dit, attendez, nous attendons nous aussi. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Certes, ceux qui fractionnent leur religion et se divisent en sectes, de cela tu n'es nullement responsable. Leur sort est entre les mains de Dieu, qui les informera de ce qu'ils faisaient. Quiconque viendra avec une bonne action, en recevra 10 fois autant, et quiconque viendra avec une mauvaise action, ne sera rétribué que par son équivalent, et ils ne seront point lésés. Dis, quant à moi, mon Seigneur m'a guidé vers un droit chemin, une religion droite, la religion d'Abraham, celui qui était entièrement soumis à Dieu et qui n'était point polythéiste. Dis, en vérité, mes prières, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur des mondes. Il n'a aucun associé, voilà ce qui m'est ordonné, et je suis le premier à me soumettre à lui. إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Dis, chercherai-je un autre Seigneur que Dieu, alors qu'il est le Seigneur de toutes choses ? Chaque âme n'acquiert le mal qu'à son propre détriment, et personne ne portera le fardeau d'autrui. Puis, vers votre Seigneur sera votre retour. Il vous informera alors de ce sur quoi vous divergiez. C'est lui qui a fait de vous des héritiers sur terre et qui a élevé certains d'entre vous au-dessus des autres, afin de vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Certes, ton Seigneur est prompt à régler les comptes, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux.